Welcome, everyone, to French Pod. Today, we've got an intermediate lesson. It's called Going to the Tanning Salon. My name is JP. Je m'appelle Amaury. Bonjour à tous. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bien, parce que je crois aujourd'hui que nous allons parler d'un endroit où tu ne vas pas souvent, JP. I never go to this place. Ah, tu n'y vas jamais. Never, never, never. I never go to the tanning salon. Non. Bon, on va quand même faire cette leçon, même si moi, je n'y suis allé qu'une fois dans ma vie. Only once, okay. Et bon, il y avait un certain plaisir quand même à y aller. Okay. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour la peau? Les gens se demandent si c'est nocif. On va voir ça après le podcast. Okay. On va d'abord retrouver le dialogue où on a deux amis qui en discutent au téléphone. Un qui est convaincu et l'autre qui va peut-être se laisser convaincre. Right. Hey Amo, what's our mot-clé? What are we going to listen for? Alors c'est avec modération. Ok, avec modération, with moderation. Oui. Ok, we're going to listen for that. Alors on les retrouve tout de suite. Salut ma biche, ça va? Tu as un truc de prévu cet après-midi? Je vais faire des UV, ça te dit de venir avec moi? Je sais pas trop, j'ai entendu dire que c'était très mauvais pour la santé. Mais non, pas si tu en fais avec modération, et que tu ne restes pas trop longtemps. Je me tâte. C'est vrai que l'été arrive et que j'aimerais bien bronzer un peu. Allez, le problème est réglé. La première séance est gratuite, et c'est une fois, tu verras bien après. Eh oui, il s'est laissé convaincre. Donc il va bien se retrouver à faire des UV dans un centre de bronzage bientôt. Right, centre de bronzage, that would be the tanning salon. Voilà, exactement. Ok. Donc c'est lui qui a commencé la conversation. L'homme donc, qui dit « Salut ma biche ». Salut ma biche. Donc ma biche, on en a déjà vu beaucoup ici à French Pod. Ok. Des expressions pour appeler quelqu'un de manière très familière. Ok, hey darling. Voilà, quand on connaît vraiment bien la personne. Hey baby. Et donc une biche, tu vois, c'est cet animal, un daim, c'est comme un daim. Ok. Donc je crois qu'en anglais on dit deer, or do. A doe. A doe, oh pardon. Okay. Donc voilà, salut ma biche, il y avait un acteur très connu français qui s'appelait Louis de Funès. Oh yeah. Qui a rendu cette expression très populaire. Ah ok. Il disait tout le temps, salut ma biche. Hello my doe. Et il lui demande, tu as un truc de prévu cet après-midi. Ok, après-midi, this is short for après-midi, right? Oui. Ok, I've heard that a lot. And then before that, tu as un truc de prévu, so do you have something planned, right? Exactement, oui. Ok, un truc is like a thing. C'est le mot qui veut tout dire et ne rien dire en même temps. Ça, right. Ça désigne beaucoup de choses. A thing or stuff. Oui. Right? De prévu, so it's something that you have set up, right? So stuff that you've set up. So do you have anything planned? Exactement. Donc, on peut demander, est-ce que tu as un truc de prévu ce soir, JP? Ce soir, tonight, no, I don't have anything. But tomorrow night and the night after, I do. Tu as quelque chose de prévu? J'ai des trucs de prévu. Parfait. Je vais pas te demander quoi, ne soyons pas indiscrets. Ok, thank you. Woo! Et donc, son amie ici, elle dit, je vais faire des UV. Faire des UV. OK, that UV are the letters U and V. Oui. OK, UV, which we can understand means ultraviolet, right? Exactement. OK, so this is the expression, faire des UV. Oui, pour aller à un centre de bronzage, okay. Les Français emploient cette expression, aller faire des UV. OK, so in English, I like to say fake and bake. You want to go fake and bake? Et donc, elle demande à son ami s'il veut venir et elle lui dit « ça te dit de venir avec moi ». Ok, the expression here is « ça te dit ». Oui. Okay. So, how does that sound to you? What do you think of coming with me, right? Exactement. Ok, « ça te dit », that's the verb « dire ». Literally, this is « does it speak to you » or « does it tell you to come with me ». Et donc, c'est bien « ça te dit de faire quelque chose ». Right, there's going to be an infinitive there. Oui. « Ça te dit de manger ouais. »,« ça te dit de danser ». Toujours. Quoi, yeah. Par contre, lui, il dit « je ne sais pas trop ». Ok, that kind of means « I don't know ». Right? It's not just « he doesn't know », it's that he's kind of skeptical, right? Exactement. It expresses some skepticism. « I don't know too much about that. I really don't know ». Il réfléchit quelque part. Exactly. Et il poursuit « j'ai entendu dire que c'est très mauvais pour la santé ». Ok, « mauvais pour la santé », this is « bad for your health ». Oui. And he starts a sentence with « j'ai entendu dire », which means, I mean, it means like « I heard people say, they say that it's bad ». Literally, this is « I have heard talk » or « I have heard speak ». Exactement. « I've heard somebody say ». Non, « j'ai entendu dire ». Ouais, donc il n'est pas sûr. Par contre, elle, elle est convaincue. Mais non! Mais non! Et elle explique pourquoi. pas si tu en fais avec modération. Ok, there's our true clé. Exactement, c'est ça, oui. Avec modération. Oui. Okay, with moderation. And it's pas si tu en fais avec modération. So not if you do it in moderation. Oui. Okay, so I just want to point out this little pronoun, en, that comes before the conjugated verb. In this case, it's fait. No, so pas si tu en fais avec modération. So not if you do it. Now, we all know in English it's it, right? Not if you do it in moderation. But in French, you're going to faire des UV, right? And whenever you're replacing a des phrase, you're going to use en. So, pas si tu en fais, not if you do it, avec modération, in moderation. Oui. Habituellement, on entend l'expression avec modération beaucoup quand on parle de manger. Tu vois, il faut manger, mais avec modération. I'm the fat guy. Is that why you're telling me this? Il faut boire avec modération. Okay, yeah. Yeah, you should take your own advice, Emma. Yeah. Et donc, en faire avec modération, pas trop souvent. Mm-hmm. Et elle dit, et que tu ne restes pas trop longtemps. Okay, don't stay too long in a tanning bed, for goodness sakes, folks. I think there's like a 10-minute maximum, right? Je crois. The egg timer goes off and then you have to leave. Ouais, pas s'endormir. Hein. Right. Donc lui, il n'est toujours pas convaincu, puisqu'il dit la phrase, je me tâte. Je me tâte. Okay, this is se tâter? Oui. Okay. Alors, se tâter, littéralement, ça veut dire se toucher. Okay. Mais dans l'expression « je me tâte », c'est-à-dire « je suis indécis ». Ok, all right, I'm not sure. Oui. I'm on the line. Il réfléchit, il dit « c'est vrai que l'été arrive et que j'aimerais bien bronzer un peu ». Ok, a lot of people like to get a pre-tan before taking their shirt off in the summer. Ils ne veulent pas arriver tout blanc sur la plage. Sure, yeah, how embarrassing. Et donc, on a cette forme ici, on a un conditionnel. J'aimerais bien. Okay. Oui. I would like to. Aimerais, this is the conditional of the verb aimer. Oui. Right, so I would like to. And here's a good vocab word for a tanning salon theme. Bronzer. Oui, donc le verbe, quand on prend des couleurs. Right. Now, this is interesting because in English, we tan. That means we get tan, right? In French, you don't tan, you bronze. Oui. You get bronze. It's a lot cooler in French, I think. It sounds like you're becoming a statue. It's statuesque. Alors, j'aimerais bien bronzer un peu. Puisqu'il a dit ça, son ami, là, la fille, lui dit, « Ok, allez, le problème est réglé. » Problem solved. La première séance est gratuite. Ok, séance, that would be the session. Right? Oui. Now, we have an English word séance that comes from the French word séance, but that usually involves like a psychic, a séance. Psychic séance, yeah, oh yeah. Yeah, but it just means session. Ok. Right? So the first session is free, ok, because that's how they hook you. Elle lui dit, « Essaye une fois. » Ok, try it once. Tu verras bien après. You'll see. Afterwards, you'll see. Ouais, c'est un peu facile de dire ça. Right, right. Il va se retrouver pas tout à fait bronzé. No. Entre les deux. Mm-hmm. All right, well, he'll see. Maybe he'll like it. The first time can't give you cancer, can it? J'espère que non pour lui. Ok. Alors, nous, on réécoute le dialogue une seconde fois. Ok. Salut ma biche, ça va? Tu as un truc de prévu cet après-midi? Je vais faire des UV. Ça te dit de venir avec moi? Je sais pas trop. J'ai entendu dire que c'était très mauvais pour la santé. Mais non, pas si tu en fais avec modération et que tu ne restes pas trop longtemps. Je me tâte. C'est vrai que l'été arrive et que j'aimerais bien bronzer un peu. Allez, le problème est réglé. La première séance est gratuite et c'est une fois. Tu verras bien après. Alors, nous revoilà. Donc, c'est vrai que faire des UV, certaines personnes disent que c'est nocif, c'est mauvais pour la santé. That's true, that's what they say. You know, I wouldn't do it because I never go tanning. I'm already golden brown and delicious. You're beautiful already. Thank you. I'm Filipino-American. Now, this is funny, Emma. One time I went to France with some students and they asked me how to say, they said, Monsieur le prof. They said, how do you say sunblock in French? And I was like, I don't know. I've never had to use it. It's like, what is it? It's crème anti-solaire, right? Non, JP, c'est une crème solaire ou crème de bronzage. Crème de bronzage. Okay. Tu veux dire une crème pour se protéger ou il y a des crèmes auto-bronzantes aussi. Oh, okay. So that's the fake tan. Voilà, ça c'est une crème auto-bronzante. Mais sinon, la crème qu'on met, je crois qu'on la met également pour aller faire des UV, c'est une crème de protection, une crème de bronzage. Right. Now that is important to use, folks, if you have sensitive skin. Even if you're just going to France or in Paris, I remember we went in July. It was the period of the solde. Right. Right. And the sun was very hot and my white students were asking me, oh, monsieur, how do you say that? And I learned it, but not until after a few laughs because, you know, they asked me how to say it. I didn't know. I looked at my other student who's African, you know. Right. And he's like, I don't know either. I don't know either, monsieur. And so we had a joke about that. The whole whole rest of the trip that my white students didn't think was that funny. Et moi, j'ai de la chance également parce que j'ai une peau qui bronze facilement. Okay. Et je n'ai pas besoin de mettre de crème de protection. Okay. But do you burn easily? Non, je n'attrape pas de coups de soleil. Coup de soleil, well, that would be a burn. Voilà, oui. Okay. Très rarement. Okay. Donc ça va, j'ai de la chance. Yeah, that's lucky. Et un jour, j'étais parti en vacances, mais juste pendant une semaine. Et j'écoutais mes amis qui me disaient, il faut mettre de la crème. Et c'est vrai que bon, il faut mettre de la crème généralement. Yeah, yeah. Je leur disais, mais non, je n'en ai pas besoin. J'ai une peau qui bronze facilement. Mm-hmm. Et j'en ai quand même mis pendant les 3-4 premiers jours. Et j'étais tout blanc. Really? Je n'ai pas bronzé. Okay, yeah. Et donc après, j'ai arrêté. Et là, j'ai bronzé en 2 jours. Okay. Now, to be responsible, I should say that even brown people like me should, you know, sometimes if the sun is very, very hot, you should protect yourself. I know that my sister does, and she, you know, says, we can get melanoma just like they can. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, ces crèmes ne servent pas uniquement à se protéger contre les coups de soleil, mais également contre les ultraviolets, qui sont nocifs pour la peau. Absolutely, absolutely. Eh bien, Dr. JP, Dr. Amaury et Dr. JP... On peut se reconvertir dans des émissions médicales, si vous Et donc, on aura un prochain podcast sur les problèmes de la peau. Ok. En attendant, merci beaucoup d'être avec nous et merci de nous laisser vos commentaires concernant cette leçon ou sur une expérience, n'importe quelle question que vous avez envie de poser. Sur ce, à très bientôt, JP. À la prochaine.